Donc bonjour mes frères et sœurs, et je suis content qu'on puisse à nouveau passer du temps ensemble en méditant les Écritures. Pour vous et pour moi, les Écritures sont une source de vie, une source de vérité, une source d'espoir. C'est le moyen par lequel nous avons accès à la vérité, à l'absolu, à Dieu lui-même. Et nous allons voir ensemble, dans les semaines qui viennent, l'Épître aux Hébreux. Donc, j'espère que vous avez pris le temps de vous préparer pendant l'été. Mais nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre bon Père du ciel, nous sommes heureux, contents que tu nous aies laissé ta parole. Nous pouvons y référer aussi longtemps et aussi souvent qu'on le veut. On peut s'y approcher en ayant la certitude qu'elle ne nous ment pas, qu'elle ne nous trompe pas, qu'elle n'abuse pas de nous. Mais par elle, nous pouvons apprendre à te connaître. Par elle, nous pouvons apprendre à connaître ton Fils et ainsi vous adorer et vous glorifier. Seigneur, nous aimons nous attarder pendant les semaines, les mois qui viennent sur l'Épître aux Hébreux. Peux-tu nous conduire par ton Esprit Saint? Nous voulons comprendre ce que tu voulais dire aux premiers chrétiens qui ont reçu cette épître. Et nous te demandons, par ton Esprit Saint encore, la sagesse de l'appliquer pour nous, ici, en 2012. Conduis-nous, conduis-nous. Nous implorons ton aide. Car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien comprendre du message que tu nous as laissé. Que tout soit fait pour toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Comme je viens de le dire, nous allons regarder ensemble l'Épître aux Hébreux. Comme à chaque fois, j'anticipe toujours de commencer un nouveau livre. Car depuis déjà 3 mois que j'ai commencé à le lire, à le relire, à le relire, à le méditer, à prier, à lire des livres sur l'Épître aux Hébreux, à écouter des études faites par d'autres théologiens sur l'Épître aux Hébreux. Et maintenant, je suis, je pourrais dire, enthousiasmé pour vous partager ce que j'ai appris sur l'Épître aux Hébreux. Don Carson fait ressortir un fait qui dit qu'il y a plus de fois on utilise dans l'Épître aux Hébreux seul le mot « meilleur » et c'est synonyme dans le texte original. Il est plus utilisé ce mot « meilleur » dans l'Épître aux Hébreux que tout le restant du Nouveau Testament ensemble. Et l'auteur veut montrer à ces personnes qui l'écrit que Jésus est le meilleur. Ou qu'il est supérieur. Donc c'était série d'études, on pourrait l'appeler « Jésus est supérieur » ou « Jésus est le meilleur ». Pas le meilleur en comparaison avec d'autres possibilités. Le mot semble vouloir dire qu'il n'y a pas de comparaison possible. On peut avoir des gens meilleurs dans certains sports, on compare des hommes et des femmes ensemble. Mais avec qui pourrons-nous comparer Dieu, ou le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de comparaison. Donc, c'est ce que nous allons regarder. Nous allons regarder ce livre qui a été écrit aux Hébreux. Et on ne sait pas qui l'a écrit. Plusieurs pensent que c'est Paul, d'autres pensent que c'est Apollos, d'autres pensent que c'est quelqu'un d'autre. Et on a toutes sortes d'idées là-dessus. J'étais longtemps à penser que c'était Paul. Donc, vous m'excuserez, vous me pardonnerez, si vous voulez bien, si des fois je vais dire, comme le dit l'apôtre Paul. Mais ça ne change pas le contenu du texte. Mais quand on sait l'auteur, des fois ça va nous aider à comprendre ce qu'il est en train de dire, parce qu'on peut le comparer avec d'autres livres qu'il aurait écrit. Mais on ne sait pas vraiment qui l'a écrit. Mais une chose qui est sûre, on en connaît les destinataires, ce sont les Hébreux. C'est pour ça qu'on appelle ça l'Épître aux Hébreux. Donc les Hébreux du temps de l'auteur avaient un avantage sur nous. Ils avaient été élevés depuis des millénaires en arrière dans le contexte de la foi juive, dans le contexte du temple, des sacrifices, des alliances. Donc, ceux d'entre nous qui arrivons dans l'Épître aux Hébreux sans avoir une connaissance au moins de base de l'Ancien Testament, on est un peu handicapé pour la compréhension du texte. Où est-ce que l'auteur veut en venir? Quand il va parler de Moïse, de Josué, de Melchisédek, quand il va parler des sacrifices, de l'Alliance, de l'Ancienne Alliance, de la Nouvelle Alliance, si on n'est pas conscient de toutes ces choses-là, c'est souvent comme on parlerait de l'Internet avec quelqu'un qui est décédé depuis 50 ans. Et qui ressuscite, et qu'on commence à lui parler d'Internet, il serait tout mélangé et un peu déboussolé par notre langage ou nos comparaisons. Donc, l'auteur va parler à des hommes et des femmes qui sont des Hébreux, de par leur race ou par leur foi. Et ces Hébreux-là sont devenus croyants, en fait, profession de foi. Ils sont une église. Et il se passe quelque chose à l'intérieur de ce groupe-là. Il semble, à ce que je peux comprendre, et d'autres théologiens aussi, qu'ils veulent retourner en arrière. Retourner au sacrifice. Certains peut-être l'avaient déjà fait, comme l'apôtre Paul va le parler dans le chapitre 10. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume. Quelques-uns l'avaient déjà fait, peut-être. D'autres étaient, ils pensaient d'abandonner et retourner à l'ancienne alliance, retourner au temple, au sacrifice. Ou peut-être certains d'entre eux voulaient mélanger l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance, comme certains mouvements religieux ont fait, que vous connaissez et que je connais. L'auteur veut démontrer à ses auditeurs, à ses lecteurs, la suprématie de la nouvelle alliance sur l'ancienne alliance. Je ne pourrais pas, dans le contexte de ces vidéos de 20 minutes, vous toutes vous emmener dans l'Ancien Testament et de toutes prendre des textes de l'Ancien Testament et de toutes vous expliquer le fonctionnement de l'Ancien Testament. Ce serait trop difficile. Et nous n'aurions pas assez de temps à chaque fois pour cela. Je vais y faire référence. Je vais en parler comme l'auteur en parle. Ceux d'entre vous qui comprenez l'anglais, vous pourriez écouter Don Carson sur une série qu'il a faite sur comment les auteurs du Nouveau Testament ont utilisé l'Ancien Testament dans leurs écrits. Des fois, ça nous surprend un peu la façon qu'ils le font. Aussi, si vous voulez, pour ceux qui comprennent encore l'anglais, il y a fait une série sur l'Épître aux Hébreux. Vous pourrez l'écouter en comparaison avec ce que je dis. L'auteur veut convaincre ses lecteurs de rester attachés à la foi chrétienne, de rester attaché à la nouvelle alliance, de rester attaché à Jésus-Christ, de ne pas retourner en arrière pour être sauvé. Parce que le but, ce n'est pas autre chose ici. Ils pensent qu'ils pourraient être sauvés autrement que par l'évangile qu'ils avaient entendu. Qu'est-ce qui avait amené ces doutes-là? Est-ce que c'était la persécution? Est-ce que c'était des hommes et des femmes, faux prophètes qui étaient venus dans le groupe? Ils avaient troublé, tourmenté. J'ai vu cela dans ma vie personnelle. Des fois, qu'on est remis en question par des gens qu'on écoute, par des émissions qu'on entend, par des livres, et on se pose des questions. Est-ce que j'ai bien compris? J'ai vu des croyants faire la même décision. J'en ai vu d'autres s'éloigner pour retourner en arrière à l'église qu'ils fréquentaient avant. J'ai vu des croyants abandonner pour retourner à d'autres mouvements religieux. C'est plus fréquent qu'on le pense. Ceux qui abandonnent pour retourner en arrière. Donc, peu importe c'est quoi. Mais l'auteur est en train de dire ici aux Hébreux, si vous retournez en arrière, vous reculez, vous retournez à quelque chose de moins bon. Et c'est pour ça qu'il va comparer l'ancienne foi qu'ils avaient avec la nouvelle. C'est pour ça qu'il va démontrer que tout dans la nouvelle alliance est supérieur à l'ancienne. Pourquoi vouloir retourner à quelque chose de moins bon? C'est pas vraiment logique et ça fait pas de bon sens. Donc l'auteur va s'y référer. C'est pour ça qu'il va dire qu'on va voir dans les deux premiers chapitres qu'il est supérieur aux anges. Et là, ça va nous laisser un petit peu perplexes. Pourquoi est-ce que parmi les croyants, avait-il besoin de se faire dire que les anges étaient inférieurs à Jésus, que Jésus était supérieur à eux? Donc pourquoi vouloir retourner aux anges quand on a Jésus? Il va nous montrer comment Jésus est supérieur à Moïse dans chapitre 3. Ensuite, il va nous montrer comment il est supérieur à Josué au chapitre 4. Ensuite, il va nous montrer la supériorité de Jésus, sacrificateur, sur Aaron au chapitre 5 et 6. Ensuite, il va nous montrer que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. Et il va nous montrer par la suite que le sacrifice que Jésus a fait est de loin supérieur au sacrifice de l'Ancien Testament. C'est toujours la même vérité. Jésus est meilleur, est supérieur à l'ancienne alliance, l'ancienne foi, l'ancienne religion, si on peut dire ainsi. Donc pourquoi y retourner? Par la suite, il va démontrer dans le livre à 5 ou 6 ou 7 reprises, environ 7 reprises, que s'ils retournent en arrière, ils vont être condamnés et perdus pour l'éternité. Donc, il faut le voir dans cet ensemble-là. C'est pas des chrétiens ici qui luttent avec certaines difficultés dans leur vie chrétienne, difficultés morales. C'est pas des chrétiens qui sont en train de vivre une vie chrétienne charnelle et qui ont des difficultés et qu'il veut les encourager à persévérer pour avoir une meilleure récompense dans le ciel, s'il y en a des récompenses dans le ciel. Ou il n'est pas de ceux qui... Il n'est pas en train de parler à des gens qui luttent avec certaines doctrines secondaires, qui n'est pas salutaire, comme on dit des fois. Mais il va dire à 7 reprises... Si vous abandonnez, si vous vous retirez, vous êtes perdu. Il va dire ça à plusieurs reprises, dans le chapitre 2, dans le chapitre 3, dans le chapitre 4, dans le chapitre 6, dans le chapitre 10. Il va le dire 2 fois. Il va dire, il n'y a plus de sacrifice possible pour vous. Si vous rejetez l'évangile que vous avez reçu. Si vous mettez de côté Jésus-Christ, si vous mettez de côté son sacrifice pour d'autres sacrifices, si vous préférez les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance aux sacrificateurs parfaits de la race de Melchisédek, vous êtes perdu. Donc, c'est un... Non pas ici quelque chose pour pousser à l'action des chrétiens déjà en action, déjà qui fonctionnent dans l'Église, mais c'est si, il faut vraiment bien le comprendre. Il est en train d'exhorter des hommes et des femmes qui ont déclaré être des chrétiens et qui sont en train de vouloir retourner en arrière. Il dit, si vous retournez en arrière, vous êtes perdus. Je vais mettre devant vous une petite image que j'avais dessinée dans ma Bible il y a plusieurs années de cela. Regardez-la. La foi sans la persévérance est morte. Jacques avait dit la foi sans les œuvres est morte. Mais l'auteur ici va faire ressortir à plusieurs reprises que s'il ne persévère pas jusqu'à la fin dans la foi chrétienne, dans la foi reçue de Jésus et des apôtres, s'il ne persévère pas, ils sont perdus. Parce que peu importe combien de temps tu es dedans, que ça fasse 2 ans que tu déclares être chrétien, ou 20 ans, ou 40 ans, si tu abandonnes la foi, si tu rejettes l'évangile pour autre chose, pour te être sauvé, ou que tu l'abandonnes pour, comme moi, pour retourner à l'athéisme, retourner à rien d'autre. Moi, je déclarais avant d'être chrétien que je croyais en rien. Il n'y avait rien après la mort. Donc, si je déciderais de retourner en arrière et de dire que ça fait plus de sens que l'Évangile, je suis perdu. Je suis condamné. Je suis destiné à l'enfer pour l'éternité. Donc, c'est une épître très, très, très importante. J'espère que personne d'entre vous qui écoute l'épître aux Hébreux avec moi pendant les mois qui vont venir, vous n'êtes pas dans cette situation-là en train de vouloir abandonner. Mais si vous l'êtes, oh, je prie le Seigneur que ces vérités que nous allons apprendre au sujet de Jésus-Christ vous gardent jusqu'à la fin. Vous soutiennent dans la vérité jusqu'à la fin. Afin de se sauver. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, accumulons les vérités, recevons les vérités qu'on va nous dire, que l'Épître va nous donner. Apprenons-les, emmagasinons-les dans notre cœur pour aider d'autres frères et sœurs qui sont dans ce moment de décision-là. Ou des accumuler dans notre cœur afin que le moment où ce que on va vouloir nous présenter autre chose pour nous détourner de la foi, on puisse répondre avec des vérités bibliques. Non, je garde la foi, car sans cette foi-là, il n'y a pas de salut possible. Nous allons commencer demain, chapitre 1, verset 1. Notre bon Père du ciel, merci que par l'auteur de cette épître aux Hébreux, tu veux encourager ton peuple à la persévérance, jusqu'à temps que tu reviennes. Persévérance en ton Fils qui est supérieur à tout autre ou à toute chose. Au nom de Jésus.